Chapitre 6e. Vous souvenez-vous, Gabriel, ma sœur, vous m'avez permis de vous appeler ainsi. Vous souvenez-vous de ce que vous m'avez dit hier? Comme on avait emporté de chez vous pour le prêter à nous ne savons qui le volume qu'on a publié 2 ans avant votre mariage, cet essai de roman-étude intitulé « Les petits horizons », vous m'avez prié d'en rechercher un exemplaire et de vous l'apporter. Je ne sais rien vous refuser, alors même que, vous l'avouerez, la requête n'est pas sans me causer quelques soucis. J'ai donc obéi non sans peine, car l'éditeur a fait faillite et les exemplaires restants ont été désoldés et dispersés. Bref, je vous en ai apporté un, vous l'avez ouvert avec empressement. Je n'ai le droit ni de me plaindre ni de vous adresser un reproche. Puis, à mi-voix, de cet aspect si pénétrant, à la fois grave et doux qu'est le vôtre, vous avez lu la page qu'il vous tardait de retrouver. C'était la tirade un peu longue de Jacques, le héros, alors que là, des luttes violentes d'une vie surchauffée, il pose enfin la thèse des petits horizons, que chacun doit mesurer à sa force et remplir de son activité raisonnée. C'est, il est vrai, la paraphrase de l'Aurea Mediocritas du poète latin, ou du Cultivons notre jardin de Candide, seulement avec la note toute moderne. Vous avez alors laissé glisser le livre sur vos genoux et vous avez murmuré. Que ne peut-on, à deux, se contenter des petits horizons? Je n'ai pas voulu relever cette parole qui, à ce moment, allait au-delà de moi. Mais, chère, comme elle était juste et comme je la comprenais. Combien sont fous ceux qui, ayant le bonheur à leur portée, se créent à eux-mêmes des supplices de Tantale en éloignant volontairement et comme par un jeu le fruit qu'ils pourraient cueillir. Oserais-je vous dire que nous avons su, que nous saurons mieux encore nous faire, à nous deux, ce petit horizon qui nous enveloppe et nous donne déjà de si douces joies? C'est notre amitié qui l'a tracé, et en lui il y a place pour un bonheur. Ces admirables soirées qu'on nous abandonne n'ont-elles pas un charme qui embaume toute notre vie? Peut-être la vanité m'égare-t-elle, mais quand vous m'écoutez, Gabriel, quand je vous dis tout bas, et mes espérances, et mes volontés, quand j'ose rêver à des lendemains qui prolongent des joies partagées, alors il me semble que sur votre beau visage, dans ces yeux profonds comme un lac, dont l'éclat me fascine et parfois m'affole, oh, vous n'en savez rien, car je ne le dis pas, je lis un encouragement, presque une promesse. Ah, quand je songe. Après tout, pourquoi mentir? Et à moi-même, et à vous. Gabriel, je vous aime. Je vous aime follement. Est-ce un crime? Je ne veux pas y songer. Je ne vis que par vous, que pour vous. Et ces quelques heures que presque chaque jour, vous me donnez sont toute ma vie. Est-ce que je pense? Est-ce que j'existe quand je ne suis pas auprès de vous? Oh, ne me chassez pas, ne me repoussez pas. C'est aveu qui me brûle le cœur. Je n'ai pu le contenir. Mais ne le savez-vous pas, dites, cher, que je vous aime. Et non point égoïstement, non point pour moi seul. Mais cet amour, c'est la volonté de vous rendre heureuse, de réparer le mal qu'on vous a fait. Cet aveu, vous l'avez lu dans mes yeux, vous l'avez entendu dans l'écho de ma voix, alors même que, cherchant à nous tromper nous-mêmes, je prononce des mots qui semblent indifférents. Mais vous le savez bien, vous dis-je, que tout en moi vous crie « je vous aime », car enfin, Gabriel, il faut s'y avoir pitié. N'avez-vous pas compris tout ce que je souffre? N'avez-vous pas deviné ces tortures qui me poignent, qui me brûlent, qui me déchirent? Ah, que vous êtes cruel! Mais non, non, je ne me plains pas, j'accepte tout. Et encore des souffrances, et encore des tortures, pourvu que, comme hier, vous laissiez, pendant une minute, votre main dans la mienne, pourvu que vous me permettiez de vous regarder, de vous contempler, de vous adorer. Je vous promets de ne pas parler, de ne pas prononcer ces paroles qui vous troublent et vous feraient pleurer. Non, je viendrai m'asseoir à vos pieds, sur le coussin bleu, et là, mes mains jointes, dociles et heureux, je fixerai mes yeux sur les vôtres. J'écouterai vos lèvres, même muettes, et j'emporterai dans mon cœur cette vision qui est mon bonheur. N'est-ce pas, Gabriel, que demain vous ne me chasserez pas? Ah, si vous saviez comme je vous aime, comme je suis bien à vous, tout à vous. Robert.